Audiomatique. Thank you. Audiomatique avec les électronistes. Transmission 175 amorcée par la Britannique Andrea Parker et sa composition Clutching at Straws de son premier album studio Kiss My Harp, paru en 1999 sur étiquette Mowax. Le duo québécois Milk and Bone, composé de Laurence Lafont-Bolne et de Camille Poliquin, vient tout juste de publier son deuxième album intitulé Deception Bay. De cet album, nous écoutons à l'instant la chanson The Flood. Baby, it's been a while now since you called me. Since you called me, did you forget about us? As you found out about us, let's face it, we're in trouble. It's not allowed here to love in double, but I'm willing to try. Cause I'm committed to crying. I don't wanna be the one who ruins it all. No, I don't wanna be the one thrown against the wall. But I like you a lot, you know. I like you a lot, you know. Is that it? Are we done now? It's killing me again. Not to know if this will be the end. Cause I need you to smell me. You know bodies are made to feel each other hurt. Each other. Other. Cause I like you a lot, you know. Nous venons de terminer cette séquence de trois pièces sur la musique du duo norvégien Circular, de qui nous entendions la pièce Three Moons, qu'on retrouve sur leur plus récent album intitulé Moon Pool et qui est paru en 2014. Avant Circular, c'était le projet Placid One et sa pièce 1303, publiée sur le troisième volume des compilations de l'étiquette de disques française Eddie Larkin. La série de compilations homonymes à l'étiquette de disque est disponible gratuitement en téléchargement au eddylarkin.bandcamp.com. Et avant Placid One, nous écoutions une pièce de Milk and Bone, à savoir The Flood, qui paraît sur le plus récent album intitulé Deception Bay. Ce que nous avons en réserve pour vous à l'instant à Audiomatique, la musique d'Emiliana Torini. deepest blue of winter skies. Why is it so we never know what we have until it's gone? Until we burn, we never learn what we have until it's gone. I'm an angel, dark, darker than known, come to steer your runaway home. I'm a moonbeam monkey on speck, come to bring your strange kid back. No one saw him Gimpy going round the bend, and no one but me knows the stuff it takes to mend him. I will get him back on the right track, I will bring your strange kid back. Can't stop. same way that we're trapped in time. We're both living a lie. Yeah. mieux connu pour sa participation au groupe Dead Can Dance. Brandon Perry s'est aussi commis en solo et audiomatic. C'est de son deuxième album, Arc, que nous avons puisé la chanson Winter Sun. Précédemment à Brandon Perry, il s'agissait de Tanya Donnelly, également leader du groupe Belly, avec sa chanson Moonbeam Monkey, tirée de son deuxième album solo, Beauty Sleep. Sachez que son groupe Belly lancera grâce au socio-financement son troisième album en avril ou mai prochain, près de 23 ans après la parution de son deuxième album. Et en amorce de séquence, la chanteuse islandaise Emiliana Torrini nous interprétait la chanson Telepathy, qui a été composée par Johan G. Johansson, celui-là même qui a, entre autres, composé les trames sonores des derniers films de Denis Villeneuve. Et Johan G. Johansson est malheureusement décédé le 9 février dernier à l'âge de 48 ans. Ils se produiront sur la scène du Zénob de Trois-Rivières ce vendredi et ils nous offrent dès maintenant Audiomatique leur pièce Un No. Il s'agit du groupe montréalais Suns. Thank you. Courte séquence de deux pièces qui se concluait sur la musique du groupe français Difforme, de qui nous entendions une pièce tout à fait de convenance pour un 14 février, soit la composition intitulée « Mon amour » qui paraît sur l'album « Rayon X » sorti en 2014. Avant Difforme, c'était le groupe Soons et sa pièce « Unno ». Pièce tirée de l'avant-dernier album intitulé Old Steel. Rappelons que Soons sera à Trois-Rivières ce vendredi sur la scène du Zénob afin de nous présenter son tout nouvel album Felt. Mené par le Britannique Tim Gain et la chanteuse française Laetitia Sadier, Stereolab a connu ses heures de gloire dans les années 90 et 2000 avec une signature vintage unique. Malheureusement, les membres du groupe ont décidé de suspendre les activités de Stereolab en 2009, mais à Audiomatic, ça ne nous empêche pas de diffuser leur musique toujours avec le même plaisir. Nous terminerons donc cette transmission 175 avec la chanson Margarine Melody, extrait de l'album Margarine Eclipse, paru en 2004. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 176 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic ainsi que facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Stereolab et la chanson Margarine Melody. C'était Audiomatic avec les électronistes.